Alors, petit flashback. On est le 13 février 2014 et je m'apprête à lancer un site web qui s'appelle Ici sur la bouche, dans lequel je vais demander à des anonymes, des inconnus, de retourner sur les lieux où ils ont embrassé quelqu'un, où ils ont été embrassés eux d'ailleurs, de prendre une photo de ce lieu, de m'envoyer cette photo avec un petit texte qui raconte le baiser, et je vais regrouper un petit peu toutes ces histoires sur ce site pour en faire une histoire globale plutôt, et anonyme. Et ce site va marcher pendant un an. Ça va se clôturer donc en février 2015 avec 48 histoires, 48 moments, un petit peu partout dans le monde, en France, en Corse, au Japon, au Canada, aux États-Unis. Et je garde instantanément, à partir du moment où je ferme ce site, le souvenir de toutes ces petites histoires. Et voilà, le temps passe, je fais d'autres choses, je fais d'autres projets, et je lance des podcasts. Et pendant un moment, l'idée reste en tête de me dire, est-ce que je relance ce site, est-ce que je refais une année, est-ce que j'en fais un projet Instagram maintenant. Et à un moment, je me dis que non, j'ai envie d'en faire un podcast où j'irai rencontrer les gens pour qu'ils me racontent sur place l'histoire autour d'un baiser qu'ils ont eu à cet endroit-là. Alors bien sûr, pour des raisons pratiques et pour des raisons autres, je vais choisir la ville de Paris parce que je veux sortir un petit peu de ce cliché de Paris, ville romantique, Paris, ville de l'amour, et raconter les histoires des gens qui y sont, peut-être de manière éphémère, et qui vont donner un baiser dans ces rues-là. Et voilà, ce que j'ai voulu faire avec Paris sur la bouche, c'est un petit peu ce truc-là, c'est de se dire qu'en fait, qu'il y a des lieux qui appartiennent à des gens d'une manière autre, et c'est souvent lié à des baisers, à des histoires, des rencontres, des moments magiques ou pas. Et voilà, j'avais envie donc de rencontrer ces personnes-là, qu'elles me racontent de manière anonyme leurs histoires, leurs moments. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça s'appelle Paris sur la bouche, et j'espère que ça va vous plaire.